Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dialogue d'auteur. Pour ce troisième numéro, nous avons rencontré un scénariste à part, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, Fabrice Sapolsky. Il a travaillé dans le monde de l'édition, il a monté des magazines, il a été maquettiste, il a fait des études d'histoire, comme on pourra l'apprendre, mais il est aussi et surtout... aujourd'hui, scénariste de bande dessinée. Il a, entre autres, travaillé sur la série Marvel Spider-Man Noir. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Fabrice Sapolsky et de son parcours assez hallucinant. Ce numéro a été réalisé en partenariat avec la Guilde Française des Scénaristes et la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. On dit toujours que c'est difficile de rentrer dans un milieu et que c'est encore plus dur d'y rester. Ouais. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est hyper dur. Voilà. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il y avait beaucoup d'inconscience chez moi quand on a créé Comic Box. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. Ouais. Parce que, je veux dire, quand tu es un jeune de 27 ans, que tu décides de jeter toutes tes économies, de mettre, entre guillemets, en danger ta famille, ouais. J'avais déjà deux enfants à l'époque, etc., en bas âge, pour nourrir un projet tel que celui-ci et te dire je vais créer le premier magazine professionnel sur la bande dessinée américaine, il faut être sacrément inconscient. Heureusement, on l'a été. Heureusement, on l'a été. Parce qu'avec le recul, tu regrettes absolument pas de l'avoir fait. Alors, non seulement je regrette pas de l'avoir fait, mais je pense qu'à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est ce qu'on est. Il faut assumer. Moi, je n'aime pas enfoncer des portes ouvertes. Je déteste ça. Je préfère... Si on me dit... Je suis un garçon têtu, hein. Dans le bon sens du terme. Si on me dit c'est pas possible, je vais chercher à le faire. Toujours. Donc, ça a été toute ma vie comme ça. Toute ma vie, on m'a dit ça, vous pouvez pas. Bah, très bien, on va essayer. Donc, voilà, quand je suis sorti du lycée, je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu comme beaucoup d'ados, fin d'ado, tu passes le bac, tu sais pas vraiment ce qui t'attend. J'ai fait des études d'histoire et puis après, je me suis rendu compte que ça me plaisait moyen. Donc, après quand même 3 ans, je me suis rendu compte. J'arrive au stade de la licence, tout ça. Et là, je commence à me poser la question. Je me dis, franchement... Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Qu'est-ce que je vais en faire, surtout? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de cette formation qui est intéressante sur le plan intellectuel, mais qui, derrière, ne m'apportera pas de métier? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai pas envie de vivre mes passions à la place? Et puis, j'ai fait la connaissance d'un ami pour la vie. Une machine. Oui. Ce n'est pas le Terminator, c'est le Macintosh. Et en fait, j'étais fasciné par ces boîtes beiges colorées qui étaient capables de faire des trucs que j'avais jamais vus. Et j'avais toujours fait des fanzines parce que j'étais attiré avec mon frère, on écrivait des fanzines de BD qu'on vendait à l'école. On était déjà là-dedans, quoi. On faisait des comics avant de faire des comics, quoi. Ouais. Alors, on faisait des comics, on faisait des magazines avec de la BD dedans. C'était incroyable, quoi. Je me rappelle que quand j'avais 17 ans, je faisais un fanzine qui s'appelait Nouvelle Vision et on allait l'apporter chez Album, ils étaient en dépôt-vente, etc. Quand on en vendait 5, 10, 15, on était super contents. Vous les vendiez chez Album, carrément ? Ouais, on les vendait. Et le jour où on a eu une critique dans L'Écran Fantastique, on était mais fou de joie. Le jour où le mec de Manouvis, Jean-Pierre Putters, a parlé de nous, on était mais. On se sentait plus, mais toujours avec une certaine humilité, en se disant qu'on n'était qu'au tout début. Et je me rappelle très bien, avec mon frère et puis avec Lise, il y avait Lise déjà, Lise Benkemoun, on ne pensait pas qu'on allait en faire notre métier. Pour nous, c'était un hobby, c'est une passion, coûteux, mais et passionnant. Je pense que quand on a le virus de la presse, il nous quitte jamais. Il ne quitte jamais. Et moi, j'avais plusieurs virus. J'avais le virus de la presse, j'avais le virus de la BD, et j'avais le virus de la musique. J'avais beaucoup de virus. Ça fait beaucoup, oui. Ah, j'étais ultra infecté de partout. et à un moment, il a fallu choisir. Et quand je me suis trouvé avec ce choix, je me suis dit, mais qui t'as envie d'être? Qui t'as envie d'être? J'avais 21, 22 ans, voilà, je faisais ma licence. Et j'avais fait un stage dans une maison d'édition qui m'avait ouvert les yeux et qui m'avait dit, mais t'as pas envie d'être de ce côté-là du métier? T'as pas envie d'être du côté où on va organiser les choses, où on va arranger les choses, même écrire. À l'époque, ça m'intéressait pas. D'accord. Je savais le faire, bien sûr, mais ça m'intéressait pas parce que je suis un peu un littéraire quand même. Mais ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était la mise en page. D'accord. C'était l'artistique. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai pensé que j'étais un artiste raté. D'accord. Et c'est très français. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas le moindre des paradoxes. Je suis à la fois pragmatique et rêveur. C'est un pied sur chaque terre. Et les terres parallèles, comme dans l'univers d'ici. Et en fait, ben, quand j'ai eu 17-18 ans, en plus, mon frère était vachement meilleur dessinateur que moi. Oui. Et donc, je regardais son travail et je me disais, mais si tu veux être dessinateur de BD, le temps, l'énergie qu'il va te falloir vont être disproportionnés pour un niveau médiocre. Oui. Donc, tu ferais bien de développer un autre talent. Et en fait, je pense que la vie a des moyens de te montrer que finalement, c'est ta place. Et quand j'ai choisi finalement l'artistique, en devenant maquettiste, directeur artistique, etc., et que je me suis formé tout seul parce qu'aucune école voulait de moi. Non. C'était très drôle. Tu sais pourquoi ils ne voulaient pas toi? Oui. Oh, c'était une manière de penser de l'époque. Hein. C'était les débuts de la PAO. On était en 91, 92. Ouais. À l'époque, c'était déjà très nouveau. Et puis il y avait beaucoup, surtout, c'était surtout des écoles d'art, des écoles de dessin, des écoles d'art qui proposaient ce type de formation. C'était pas comme aujourd'hui où n'importe qui peut avoir une formation Photoshop. Ouais. Je veux dire, je dis souvent avec humour qu'on était à la version 1.5 de Photoshop. Hein. Ouais. Donc c'était pas très évolué hein, comme non. métier. Et les structures n'existaient pas et on était en pleine mutation. C'est-à-dire que il y avait encore, j'ai travaillé avec des gens qui avaient connu le plomb, les films, les bromures, la vie d'avant, ouais. les photocompositions, etc. C'était la vie d'avant dans le métier. Ouais, il y avait encore cette génération-là. Voilà, nous, on a été ouais. la première génération qui avons travaillé exclusivement avec les Mac. Donc, c'était Quark Express d'abord et puis ensuite InDesign. Mais pour nous, on touchait pas au... On n'avait pas nos bombes de colle à faire des collages pour envoyer en photocomposition ou en photomontage. Tout ça, c'était une autre époque. Donc, on poussait un petit peu, on jouait des coudes avec nos ordinateurs, mais avec le recul, ce qu'on faisait était juste hideux. C'était affreux. Donc, faut en passer par là, souvent. Voilà, il faut en passer par là. Donc, moi, je suis passé par là. Voilà, j'ai appris seul et j'ai fait beaucoup d'horreurs avant d'avoir un niveau correct, puis suffisamment bon pour pouvoir me vendre. Et clairement, voilà, les écoles, soit on me disait vous êtes trop vieux, j'avais 21 ans, on me disait vous êtes trop vieux, soit on me disait vous êtes trop diplômé. Ça, j'ai eu aussi, vous êtes trop diplômé, parce que vous comprenez, vous avez une licence d'histoire, donc vous avez une licence, mais bon, vous allez prendre la place d'un pauvre jeune qui n'a pas le bac et qui n'a que son talent. Vous avez l'air intelligent, vous allez vous débrouiller. C'est le genre de réponse absolument, voilà. Et c'est plus dans une logique, vous allez trouver du travail. Voilà, en fait, non, mais bon, tant pis si c'est pas votre passion. Non, exactement, voilà, ouais. C'est ça. Et moi, je ne l'entendais pas de cette oreille, donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu. Et ouais. qui m'a dit bon bah écoute tu veux y aller vas-y quoi. Donc j'ai racketté tout le monde, j'ai acheté mon premier Mac, un Mac classique ouais. avec 2 mégas de mémoire vive et 40 mégas de disque dur. C'était vraiment pas grand-chose. À l'époque c'était j'ai augmenté à 4 mégas après de mémoire vive, j'étais donc très très content. Un écran en noir et blanc de 9 pouces, je pense que les gamins peuvent pas se rendre compte de ce que c'était. Non, c'était juste imagine, il fallait 5 minutes, t'allais prendre un café entre tu lançais une impression, t'allais prendre un café, le système était vraiment c'était une antiquité. Bref, et voilà et du coup, bah je pense que quand on a la volonté, quand on a l'envie et quand on a des gens autour de soi ouais, qui nous soutiennent ouais. et qui nous disent ben c'est important. T'es pas nul, tu vas y arriver, etc. Ça finit par payer. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être bien entouré, d'avoir des gens autour de moi qui m'ont soutenu et qui ont fait que j'ai pu gagner en confiance parce que de toute façon voilà c'est ça. Donc quand je dis chasser le naturel, il revient au galop, c'est j'ai paradoxalement arrêté de dessiner quand j'avais 17-18 ans parce que je me trouvais pas assez bon. Mm-hmm. Puis maintenant... Tu te remets à dessiner ? Je me remets à dessiner, j'ai ouais. acheté une tablette, je me remets à dessiner, je réapprends, mais c'est pas la même optique. C'est-à-dire, c'est pas dans l'optique de devenir une superstar de la BD. Ouais. C'est dans l'optique, dans deux choses. La première chose, c'est de faire de moi un meilleur scénariste. D'accord. Parce que mieux on comprend les artistes, et mieux on peut écrire pour eux. Oui. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'histoires très personnelles que je n'ai pas envie de confier à quelqu'un d'autre. D'accord. Et que je veux prendre le temps de développer. Ça me prendra peut-être 10 ans, ça me prendra peut-être 15 ans, mais j'ai envie de le faire moi-même. C'est un défi. C'est une relation particulière, la relation entre un scénariste de bande dessinée et le dessinateur. C'est un... particulier. Il y a beaucoup de, oui. Il y a beaucoup de scénaristes qui disent que en fait, le scénario d'une bande dessinée, c'est une note d'intention à l'intention du dessinateur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs méthodes pour être scénariste de BD. Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Bien sûr. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a presque autant de façons de le faire qu'il y a de scénaristes. Donc ça veut dire beaucoup. Mais dans mon cas, un scénariste, c'est à la fois un maillon important de la chaîne, puisque c'est souvent le premier maillon, celui qui crée la chaîne. Mmh. C'est aussi un chef d'équipe. C'est aussi un coach. C'est aussi généralement la personne qui va au charbon pour les autres quand il y a une équipe à défendre. C'est aussi quelqu'un qui doit avoir de l'humilité. Parce que j'aime beaucoup cette formule de Warren Ellis, qui dit que quand on est scénariste et qu'on travaille dans un milieu collaboratif comme la bande dessinée, il faut accepter que quand le dessinateur renvoie les planches tirées de son scénario, elles vont être différentes de ce qu'on attend, et dans 99%, elles seront meilleures. Donc, il faut accepter la contradiction. Il y a des scénaristes qui refusent. Il y a des scénaristes qui font refaire au dessinateur jusqu'à ce que ça leur plaise. Ouais. Voilà. Jusqu'à ce que ça colle au scénario, parce qu'ils ont une vision très particulière. Ce n'est pas mon cas. J'aime travailler en collaboration avec mes artistes. J'aime qu'ils se sentent en confiance. Je ne vais pas dire que je les élève au grain, parce que peut-être qu'ils me contrediraient. et puis, ce n'est pas facile de garder un artiste. Hein. J'ai une série que je fais actuellement qui s'appelle One Hit Wonder, où je suis à mon troisième artiste. Donc, c'est très difficile de garder un artiste également, parce que les sollicitations sont nombreuses. Et tous les artistes n'ont pas envie forcément de s'attacher à un scénariste. Et puis c'est un travail de le dessin, c'est un travail de longue haleine, c'est quand même le process. Absolument, est très long, tout à fait. Nous, on peut écrire deux ou trois séries quand eux ne peuvent en faire qu'une. Bien sûr. Donc il faut respecter ça, il faut respecter ce temps, il faut leur laisser de l'espace et il faut leur laisser de la liberté. Ouais, la possibilité aussi d'apporter quelque chose. Exactement. Voilà. Là, je travaille avec une dessinatrice qui s'appelle Leila, Laze, sur un projet qui s'appelle Harem. Qui j'espère sera prêt bientôt. On a pris beaucoup de retard, mais j'espère que le projet sera prêt bientôt. Le premier épisode est entièrement dessiné, il est à l'ancrage actuellement. Et Leila, c'est quelqu'un avec qui j'aime particulièrement travailler, parce que quand j'envoie une idée, elle m'en renvoie 1000. Et ensuite, alors évidemment, il faut faire le tri, on en discute, etc., on passe du temps à en parler. J'aime la communication autour du projet. C'est quand deux créatifs sont dans une même pièce ou même par téléphone, quand ils sont à discuter du projet, il n'y a plus de limite. Et ce qu'on arrive à sortir à deux est bien meilleur que ce que je pourrais sortir tout seul. Oui, bien sûr, c'est l'avantage de travailler justement avec d'autres créatifs. Quoi qu'il arrive, le truc ressort meilleur qu'il ne l'était au départ. Oui, alors après, il y a des gens qui n'aiment pas le travail d'équipe. Moi, j'ai toujours aimé le travail d'équipe. Je suis un ancien scout. L'équipe passe avant l'individu. non, mais je veux dire, c'est vrai qu'on se moque souvent, etc. Mais en réalité, ça donne des bases de travail avec les autres qui sont sans doute beaucoup plus saines. Moi, ça me permet de travailler en équipe, mais sans problème. Et j'aime beaucoup me fondre dans une équipe, parce qu'on a beaucoup plus à apprendre en étant au cœur de l'équipe qu'en étant tout seul. On s'appauvrit plus vite quand on est tout seul. Justement, Spider-Man Noir, qui est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, bien sûr, parce que vous êtes même deux scénaristes dessus. Ça s'est passé comment, justement? T'étais aux États-Unis à cette époque-là? Non. Vous parliez à distance? Non. J'étais pas aux États-Unis. Je raconte souvent cette histoire, mais bon, je veux bien re-raconter cette histoire. S'il te plaît. Parce que pour toi, c'est la première fois, donc il faut toujours une première fois à tout le monde. en fait, j'ai proposé ce projet à David Hein après avoir fait un rêve. D'accord. Un rêve. Je connais la date exacte, c'était le 6 décembre 2006. Donc tu vois, c'était très, c'est Ah, très c'est précis. précis. Oui, mais parce que ça correspond en fait à un voyage que j'avais fait à Londres Ouais. pour rencontrer le responsable d'une maison d'édition bien connue là-bas, qui s'appelle Titan, et que je connaissais parce qu'il m'avait été présenté par un tiers. Et puis j'avais un projet que je voulais faire avec lui. Le projet s'est jamais fait, mais de ce voyage est né Spider-Man Noir. D'accord. Et donc j'avais été à l'hôtel dans le quartier de Kensington, et il se trouve que David Hein, que je connaissais depuis quelques années, puisqu'on se voyait sur les conventions américaines, puis on avait plutôt une bonne relation, j'avais dit à David, je vais venir boire le café avec toi, t'es dans ce quartier, allons-y, quoi. Puis Kensington, c'est le quartier français, et David, en fait, sa compagne est française. D'accord. Donc, bon, il parle un français impeccable, sauf avec moi, il refuse de parler français avec moi. Il m'a toujours expliqué que puisque j'étais capable de comprendre l'anglais parfaitement, il était hors de question qu'il parle français avec moi. Donc très OK. bien, c'est voilà. Tout le monde a le droit d'avoir du français sauf moi. C'est pas grave, je ne m'en offusque pas. Et donc, bon, Dave et moi, on prend ce petit déjeuner, et puis je venais d'avoir cette idée, je venais de faire ce rêve où j'avais ce Spider-Man tout noir qui était sur le bureau de Jonah Jameson avec cette phrase qui a tué Jonah Jameson. Et je trouvais que c'était super C'est super une très bonne noir, accroche, ouais, très en bonne plus. accroche pour commencer. Et donc je vais le voir et je lui dis j'ai eu cette idée Spider-Man noir etc. Il m'a dit ça marchera jamais. Il m'a dit ça marchera jamais. Pff, je vois pas comment ça peut marcher. Et puis on a commencé à discuter. Il a fait l'avocat du diable etc. À la fin j'ai compris que j'allais pas le convaincre. Donc j'ai repris mon Eurostar pour revenir à Paris. Tout penaud. Voilà, tout penaud, exactement. Bon, comme l'idée était fraîche, j'ai pas été déçu. C'est-à-dire que je lui Ouais. propose une idée, il l'a tuée tout de suite. Ouais, c'était pas Donc, 2 ans voilà, c'était pas de 200 maturation. de Ouais. brainstorming, etc. Il l'a tuée tout de suite. Alors bon, j'y ai pas fait plus attention que ça. Et puis, quand je suis rentré à Paris, alors c'était pas comme maintenant. À l'époque, les smartphones, il n'y avait pas de smartphone d'ailleurs, à l'époque. Et donc, où il y en avait très peu. Et donc, forcément, j'avais pas mes mails pendant le voyage. Donc, je suis rentré à Paris, et le temps que j'arrive à Paris, je reçois un mail long comme le bras de Dave en me disant, écoute, j'ai bien réfléchi à ton idée, finalement, on va le faire. C'est pas si bête, mais il faudrait changer ça, il faudrait m'ajouter ça, etc. Et je lui dis, écoute, je t'appelle. On a parlé, on a négocié, etc. Et puis, la première anecdote qui est rigolote, c'est qu'on n'était pas d'accord sur le titre. D'accord. C'est que moi, je lui avais dit, je l'ai présenté comme Spider-Man Noir, ça doit être Spider-Man Noir. Et lui voulait l'appeler Spider-Man Pulp. Parce qu'en fait, Dave était Ouais, plus intéressé par d'accord. le côté pulp et moi plus par le côté noir. Et finalement, c'est ce qui explique que quand on lit la première mini-série de Spider-Man Noir, surtout la première d'ailleurs, Ouais. elle est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments pulp que Dave a amenés et Ouais. des éléments noirs, crimes, policiers que moi j'ai amenés. C'est vrai qu'il y a un peu les deux. Il y a les deux. Et donc, c'est ce qui fait aussi que le personnage est devenu attachant, parce qu'il est atypique dans ce que Marvel a produit, et même dans toutes les séries noires que Marvel a produit. La seule série où le personnage a des super-pouvoirs, c'est la nôtre. Toutes les autres sont ancrées dans le réel, et nous, on a ce côté mystique, pulp, qui colle super bien. Et bon, le destin a voulu que notre série survive aux autres. Mais ça aurait très bien pu être l'inverse. Bien sûr. Donc voilà, on a avancé avec ce mélange-là. Et puis, début 2007, j'étais à New York. Je passe voir les gens de Marvel, qui évidemment avec qui j'étais en cheville pour Comic Box. Donc je vais revoir le directeur marketing de Marvel. Puis je l'invite à déjeuner. Je lui dis, voilà, écoute, je te le dis comme ça, j'ai une idée. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser Marvel, Spider-Man Noir? Il me dit, écoute, je ne t'ai rien dit, mais tu devrais très vite envoyer un message à Joe Quesada. Parce qu'ils avaient déjà en tête de faire Je pense qu'ils avaient déjà en un... Ouais. tête, il m'a rien dit, mais voilà. Donc je suis sorti de là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Dave, je lui ai dit, Dave, on en est où du pitch? Il me dit, bah, on a presque fait. Le pitch était envoyé à Quesada, il a répondu tout de suite, et une semaine plus tard, on avait un éditeur qui nous avait été assigné chez Marvel, Warren Simons, qui depuis est devenu éditeur en chef chez Valiant. D'accord. Il a fait du chemin. Et Warren nous a dit, écoutez, voilà, nous, ça nous plaît, on prend, etc. Et étrangement, on a signé tout de suite. Et puis, on n'a plus jamais, on n'en a plus entendu parler pendant 2 ans. Ah, punaise. Enfin, j'exagère un peu, mais on a signé en, je crois, avril 2007. Et le premier épisode est sorti en décembre 2008. C'est-à-dire que vous aviez envoyé le script. Alors, on a signé, au moment où on a signé, on venait de finir le premier épisode. D'accord. Donc le premier épisode a été dessiné dans la foulée, puis on a continué à envoyer des épisodes. Il y a eu quelques rewriting, etc. On a eu quelques observations, mais c'était assez léger. Non, pour nous, la série, elle s'est terminée formellement début 2008, en production. Ouais. Et puis ensuite, on ne savait pas quand ça allait sortir, quoi. D'accord. Et Marvel refusait de nous donner des informations. Jusqu'à ce que, à l'été 2008, Dave et moi, on était à San Diego, au Comic-Con de San Diego. Et Warren Simons y était aussi. Et donc, je chope Warren dans un couloir. Je lui dis, dis-moi, tu nous as pas oubliés par hasard? C'est sûr que Spider-Man Noir, ça va sortir. Et là, il me dit, regarde le catalogue previews dans 6 semaines. Ça a été sa seule réponse. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, le catalogue previews est l'outil qui sert aux comic shops du monde entier pour commander leurs comics 3-4 mois avant qu'ils sortent. C'est super mystérieux. Ah, mais c'est ultra mystérieux. Regarde le catalogue previews dans 6 semaines. C'est même pas ouais, t'en fais pas, c'est telle date, c'est regarde le catalogue. Voilà. Oui, mais c'était avec cette voix en plus. Parce que Warren, il a une grosse voix, on dirait un mafieux. Et qu'il ne l'est pas, hein, du reste. Mais donc, voilà. Et effectivement, début septembre, ça c'est. Voilà, c'était officiel. On a été annoncé pour une sortie en décembre. Puis après, bah voilà, on a suivi numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Puis quand le numéro 1 est sorti, Marvel était très satisfait. Et on s'est retrouvé avec Dave. Alors, c'était à nouveau une convention à New York, New York Comic Con de début 2009. Et on s'est retrouvé chez Marvel autour d'une table. Ils nous ont dit, on est très contents, on veut la suite la semaine prochaine. Et là, Dave et moi, on s'est regardé. Excitation et angoisse. Et voilà, les Dave et moi, on s'est regardé. On lui a dit, mais je comprends pas. On a eu un an de développement là, sur le premier. Et vous voudriez qu'on vous ponde ça la semaine prochaine? Débrouillez-vous. Waouh. Débrouillez-vous. C'est la crise. C'est vrai que les États-Unis traversaient une crise importante après Lehman Brothers, etc. Donc, c'est la crise. On a le budget aujourd'hui. On ne sait pas si on l'aura dans un an. Putain. Donc, ok, on sort de là. Dave me dit, bon, bah, on va travailler tout de suite. Et je dis, bah, oui, on va travailler tout de suite. Donc, on a pondu quelques idées, etc. Et puis ensuite, on a échangé. Finalement, la deuxième mini-série, ça a été plus dur. Hein. Ouais. Ça a été beaucoup plus difficile à faire que la première. Mais et j'ai eu personnellement quelques frustrations dans le process. Ça allait trop vite pour toi ou... C'est pas que ça allait trop vite pour moi, c'est que y a des choix que j'ai laissé faire et que j'aurais pas dû laisser faire. D'accord. Mais bon, on avait beaucoup plus de pression de la part de Marvel. Ah bah oui. Ils étaient assez nerveux. Ouais. Il fallait qu'on sorte ça. En plus, le dessinateur a été coopté sur un autre projet. Et donc, le dernier numéro, il n'a même pas pu lui-même faire l'ancrage et les couleurs. Donc, il y a une petite différence sur le dernier numéro de la deuxième série. D'accord. Et puis ensuite, bon, bah, les chiffres de vente étaient un petit peu moins bons que la première mini-série, mais bon, ça se tenait quand même très bien. Et puis, ils ont vendu des pelletés d'albums derrière, de trade paperback. Ils l'ont sorti sous tous les formats, en softcover, hardcover, édition spéciale. Le personnage était jouable dans une version de jeu vidéo. Ouais, alors ensuite, bon, l'année suivante, on a eu effectivement le personnage qui a été repris par Activision dans le jeu vidéo Spider-Man Dimension. Et on a été au courant exactement un mois avant que ce soit officiel. C'est-à-dire que Marvel nous a envoyé un jour un mail en disant « Hey, c'est super, je viens d'apprendre qu'on est dans un jeu vidéo. » Bon, ok, très bien. Et on nous a rien dit ? Ah bah non. Les gens sont souvent surpris, mais quand on signe avec Marvel, le personnage reste à Marvel. Ouais. Nous n'avons aucun droit dessus. Ouais, t'es pas créateur de. Je suis co-créateur. Enfin, tu touches quelque chose. Si le personnage, par exemple, demain ils disent on reboot encore une fois l'univers cinématographique, on fait une version Spider-Man noir, tu touches quelque chose, toi ? Rien du tout. Rien. Rien. Rien. Absolument rien. D'accord. Non, si demain ils font des figurines, je ne touche rien. Spider-Man noir est apparu dans les dessins animés Ultimate Spider-Man cette saison. Ils m'ont pas informé. Je l'ai découvert à la télé comme tout le monde. Donc, c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu. Quand on travaille pour une corporation comme Marvel, on sait dans quelles conditions on travaille. On sait que la moindre idée à nous peut être réexploitée, modifiée. Bien sûr. Voilà, c'est à Marvel. Ouais. Puis demain, je n'ai pas inventé Spider-Man, j'ai inventé Spider-Man noir. Donc c'est une version alternative d'un personnage qui leur appartient. Qui existe déjà. Donc ça n'enlève rien à la fierté que j'ai à avoir créé ce personnage ou co-créé ce personnage avec Dave. Mais clairement, c'est Marvel. Mmh. C'est à Marvel. Par contre, si tu avais créé vraiment de toute pièce un personnage dans Spider-Man noir et qu'il était réutilisé, là pour le coup, ça se joue comment ? Tu touches quelque chose après, derrière ? Non plus. D'accord. Non, on signe des contrats avec Marvel. Ouais, ouais. Et ces contrats stipulent que tout ce qu'on produit dans des comics Marvel leur appartient. C'est la propriété de Marvel. Ouais. On est sous un régime qui s'appelle le work for hire. Littéralement, on travaille en étant embauché pour ce travail. Donc, on est à la commande. Donc, non, bien sûr que non. C'est ce qui m'incite aujourd'hui, et même si j'étais très content qu'en 2014, Marvel me rappelle pour refaire du Spider-Man noir avec Dave. Il y a un troisième... Non, on a fait un épisode de 20 pages. D'accord. Qui est en fait autour du gros crossover Spider-Verse. D'accord. Qui était le crossover de l'année 2014, qui a eu un succès phénoménal. Et on nous a demandé de faire le premier épisode de la mini-série Edge of Spider-Verse. D'accord. Qui est en fait la mini-série complémentaire au crossover, dans lequel chaque épisode est créé par une équipe différente. D'accord. Donc il y a un Spider-Man différent par épisode. Nous, on a eu le premier, c'était Spider-Man noir, bien sûr. Ensuite, il y a eu Spider-Gwen, il y a eu un Spider-Man robot, je sais plus, j'ai oublié tous les Spider-Man qu'il y a eu, mais on a fait le premier épisode en fait, de cette mini-série de 5. Et il semble que là, de toute façon, Marvel ne soit pas décidé à ressortir Spider-Man noir une nouvelle fois en 2015. Peut-être en 2016, oui, peut-être sans nous. Oui, voilà, ils en ont la capacité, hein, ils en ont la possibilité. Il se trouve qu'ils ont eu vraiment la classe de nous rappeler pour le deuxième, mais c'était pas une obligation de leur part. Ah non, le deuxième, ils s'étaient pas posé la question. Ouais. Mais c'est pour Spider-Verse, pour Edge of Spider-Verse. On n'avait pas écrit Spider-Man noir depuis 4 ans avec Dave. Et on n'avait même pas écrit ensemble depuis 4 ans. Justement, ça s'est passé comment la collaboration avec C'est comme faire du vélo, ça revient tout seul. C'est juste magique. Et vous aviez c'était quoi votre mécanique de travail ? On va rentrer un petit peu dans les détails. La mécanique de travail, en fait, ça commence par de longs coups de fil entre Dave et moi, où on parle du scénario, du plot. On échange, etc. Il prend beaucoup de notes. Je sors beaucoup d'idées et en fait Dave rebondit sur mes idées et ensuite ça fait de nouvelles idées, etc. C'est généralement comme ça que ça se passe. Puis ensuite Dave met en forme. Ouais. C'est lui qui a toujours mis en forme en fait les pitchs et les plots. Et ensuite pour les dialogues. On fait le dialogue, ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Dave propose et ensuite je modifie. D'accord. Donc c'est une vraie coécriture. Une vraie coécriture. Mais on a choisi de ne pas découper les épisodes en voilà, toi tu fais la page 1 à 10, moi je fais la page 10 à 25, etc. Non, c'est en fait on a cette structure où on est un coup l'auteur, un coup l'éditeur de l'autre. D'accord. Et c'est pas forcément d'un épisode sur l'autre. Tu dis celui-là, tu l'écris, moi j'écris l'autre, et après tu repasses dessus. Non, c'est vraiment tout est vraiment le produit de nos deux. C'est assez fusionnel comme manière de. Étrangement, oui. C'est marrant. Étrangement, oui. Mais en fait, on était obligé d'en passer par là. D'abord pour une raison, c'est que même si l'idée de Spider-Man noir est la mienne, oui. j'ai consciemment accepté d'être le co-scénariste. D'accord. C'est-à-dire que le nom de Dave venait en haut du mien. Parce que quand on est français et quand on n'a pas écrit de comics de sa vie, ce qui était mon cas avant 2008, il faut avoir l'humilité de penser que mon nom ne valait rien. Alors que Dave, lui, avait publié des tonnes de comics. Ouais. Il était quand même à ce moment-là le scénariste de Spawn, qui n'était pas une petite série. Non. Donc voilà, quand on est là-dedans, c'est Dave Hine with Fabrice Sapolsky. C'est et pas l'inverse. De toute façon, ça aurait été présenté à l'inverse, ça aurait été très certainement ça aurait été rejeté. Quand même David Hine. Ça aurait été rejeté. Mon intérêt à moi était que le projet soit accepté par Marvel. Bien sûr. Si j'avais présenté le projet tout seul, il aurait été rejeté. Là, j'ai présenté le projet avec Dave. Dave était une tête connue, il avait fait des choses pour Marvel. Ils appréciaient aussi, parce que faut pas se leurrer, les éditeurs de Marvel lisent ce qui se fait dans la concurrence. Ils lisent du DC, ils lisent du Image, ils lisent de tout. Bien sûr. Ce qui leur plaît, ils savaient très bien ce que Dave faisait sur Spawn. Donc, voilà. C'est QFD. C'était plus intelligent de me cacher derrière Dave, d'une certaine manière, pour être publié. Bien sûr. Quand bien même le travail est plus équilibré au quotidien. Que de dire, bah voilà, non, j'ai un super ego, c'est ma série, et voilà, ouais. et Dave, il me donne un coup de main parce qu'il est sympa. Non, c'est un vrai travail entre Dave et moi, et j'ai consciemment accepté que Dave est le final cut, c'est-à-dire que si jamais on était en conflit, Dave avait le final cut. Il y a aussi une question peut-être aussi d'expérience de sa part. Totalement, bien sûr, totalement. J'ai énormément appris. J'ai littéralement appris à être un scénariste de comics avec Dave. Tous les mécanismes que j'ai aujourd'hui dans ma manière d'écrire, je les tiens de l'observation que j'ai eue avec Dave. Il a été un mentor malgré lui, parce qu'au début, Dave ne voulait écrire avec personne. Dave, ouais. d'ailleurs, n'a écrit avec personne, à part avec moi. Donc, je me sens privilégié. C'est super flatteur. C'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, au moment où Marvel nous a rappelé en 2014, Dave ne voulait plus travailler avec Marvel ou DC. Ouais. Et il a accepté parce qu'il le faisait avec moi. D'accord. Qu'on le faisait ensemble. Et paradoxalement, ça lui a redonné le goût d'écrire des séries un peu mainstream. Et là, j'aimerais bien pour lui qu'il en fasse d'autres, quoi. Parce que. Ça lui va bien. Il a un talent exceptionnel. C'est super important de travailler avec quelqu'un qui a plus d'expérience que soi, même si il agit pas comme un professeur. De toute façon, par sa simple présence et ses retours, t'apprends énormément. Quoi. Absolument. Et vraiment, je n'ai pas peur de lire. Dave m'a appris à être un scénariste de comics. Ça, c'est clair et net. Et je suis tellement heureux d'avoir eu un professeur pareil. En plus, je savais très bien qu'il y avait un filet de sécurité parce que même s'il refuse de parler français avec moi, si j'avais une limitation dans mon langage, ce qui n'est jamais arrivé, ouais. Si j'avais une limitation dans mon langage, je pouvais lui exprimer en français et il m'aurait compris. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment une chance immense que d'avoir eu Dave Hine comme professeur. Bien sûr. Donc, voilà. Je veux lui rendre hommage publiquement. Sans Dave Hine, je ne serais peut-être rien, mais voilà. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours, si tu veux bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre 21, les fanzines, et 27 ans, Comic Box ? Oh, j'ai un peu bourlingué. Oh, c'était une période difficile. J'ai fait de la pige comme maquettiste, ce n'était pas évident. Ouais. Après, j'ai fait de la com. J'ai été dans la com pendant 3 ou 4 ans. Et puis, quand j'ai eu bien fait le tour... de tout ce qui était com, etc. Et même de ce qui était artistique. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, tu es maquettiste, premier maquettiste, directeur artistique, etc. Bon, tu as fait le tour un peu de l'artistique. Oui. Et tu te dis, de quoi j'ai envie ? Et là, je me suis dit, j'ai envie d'écrire. D'accord. J'ai envie d'écrire. J'avais envie d'assouvir cette vieille passion d'être un journaliste. Et je savais très bien que on n'accepterait jamais, quand je dis on, c'est impersonnel, hein, mais oui, bien sûr. Le système aimant tellement mettre les gens dans des cases, le système n'accepterait jamais que quelqu'un qui vient de l'artistique, de la maquette, ouais, soit un rédacteur potable, voire un bon journaliste. Ouais. C'était inconcevable. J'ai testé, hein. J'ai posé des questions, ouais, j'ai envoyé des CV, tout ça, etc. Rien. Non. J'en ai même eu un qui un jour m'a dit, j'ai envoyé mon CV. C'était après la première période de Comic Box, entre la première et la deuxième période de Comic Box, j'avais évidemment plus d'emploi et donc j'avais envoyé des CV. Et comme j'étais à la fois rédacteur en chef de Comic Box et directeur artistique, mais mon expérience en tant que directeur artistique était plus longue, donc sur mon CV, j'avais, ouais, bêtement, j'aurais peut-être pas dû, j'avais tout mis. Tu avais 15 entrées en directeur artistique et une seule en... Ouais, j'en avais deux. En rédacteur en chef ou en rédacteur. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé un CV et je me rappelle d'avoir rappelé le correspondant, truc, il m'a dit, écoutez, j'ai bien reçu votre CV, il est super intéressant, mais je vous appellerai quand j'ai besoin d'un maquettiste. Et quand tu sors de 3 ans et demi de rédacteur en chef, t'as les boules. T'as les boules. Mais bon, c'est des leçons. C'est des leçons. Parfois, les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, n'ont pas la vision pour reconnaître que les gens sont plus que ce que leur CV indique. Ouais. Du coup, à chaque fois que j'ai été amené à recruter, j'ai toujours essayé de choisir des gens qui n'étaient pas dans le moule. Et grand bien m'en a pris. Parce que les gens que j'ai recrutés qui n'étaient pas dans le moule ont été les meilleurs collaborateurs que j'ai eus. Ouais. Donc, voilà. Je vais le dire crûment, mais ça, les conventions me font profondément chier. Et, tu peux y aller. On verra ce que iTunes dira. Voilà. Si on est interdit au moins de 13. Les conventions m'ennuient. Je déteste le conformisme. Et encore plus le conformisme professionnel. Mmh. Parce qu'on est dans des secteurs où, précisément, il aurait fallu, il y a 15 ans, qu'on comprenne que quelqu'un qui est multitâche et multitalent est plus intéressant que quelqu'un qui ne fait qu'une seule chose à la fois. J'ai connu des rédactions de presse où les rédacteurs en chef ne savaient pas manier une souris. Mmh. Mmh. Et c'est dramatique. Parce que quand on ne comprend pas la mécanique de création d'un journal ou d'un magazine, il manque quelque chose. Mmh. Ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des bons journalistes. C'était sans doute de très bons journalistes. Certains étaient vraiment de très bons journalistes. Mais l'absence de connaissance du reste de la chaîne faisait qu'ils étaient forcément, à mes yeux, moins pertinents dans leur rôle que quelqu'un qui maîtrisait tous les aspects de la chaîne. Et quand en 98 j'ai initié le projet Comic Box, beaucoup m'ont traité de fou, beaucoup ne m'ont pas cru. On s'est présenté à Angoulême en janvier 98, je me rappellerai toute ma vie. On a été reçus étonnamment bien par les éditeurs, ouais, tout simplement parce qu'ils ne nous ont pas pris au sérieux. D'accord. Donc les gens de Semic nous ont dit, ah ouais, ça a l'air sympa votre projet, etc. Oui, oui, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée si on fait un magazine d'information sur la BD américaine? Oui, oui, ça a l'air sympa, bah écoutez, faites-le, oui, si vous avez envie de le faire, faites-le, hein, bien sûr, nous on vous aidera, hein, s'il y a besoin de vous aider, bien sûr. Chez Panini, la même chose, chez Panini, oui, oui, bien sûr, pas de problème, etc. Puis on rentre, on était tout content, puis on se dit, on va produire un numéro zéro, on va le faire vraiment, quoi, comme on fait dans notre milieu, oui, en presse, on va produire un numéro zéro, donc on produit un numéro zéro. 16 pages, autofinancé. Je travaillais encore, j'étais encore en poste à l'époque dans une boîte de com. Donc je faisais les deux en parallèle, etc. Ouais. Et puis, quand j'ai vu que le numéro 0 prenait forme, et que, alors il n'était pas très beau, hein, mais, ouais, mais il prenait quand même la direction de ce que je voulais, j'ai claqué ma dème. Wow. Le mec, 27 ans, deux gosses, il claque sa dème et il se dit, on y va. On monte la boîte et on part. Et là, les éditeurs de comics, ils reçoivent le numéro zéro, ils disent, mais qui vous êtes? Qui vous êtes, là? On vous connaît pas. Vous n'êtes pas des fans, les fans, on les connaît tous. Qui vous êtes? Ben, on est des gens de presse, on aime la BD américaine, on voulait faire un magazine, un vrai magazine de presse sur le sujet. Là, c'était plus la même musique. Là, c'était plus du tout la même chose. Là, on était passé dans une autre dimension. Et ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Peut-être un peu trop sérieux pour certains. et donc voilà, on a négocié des accords à droite, à gauche. On avait une trading card exclusive dans le numéro 1 en bonus qu'on nous avait filé. D'accord. On avait eu, je sais plus combien, 40 000, je crois. Et on les avait fait coller à l'intérieur, etc., en bonus. On n'a aucune certitude que ça ait joué sur les ventes. Hein. Non, non, l'effet nouveauté, c'était plutôt un magazine d'informations sur les comics, en kiosque. On avait rusé, parce que je tenais absolument à ce qu'on ait le même format que les autres. Donc on avait le même format. Et puis, boum, numéro 1, 10 000 exemplaires. Donc, quand on voit ça, on se disait, ben, il y avait une pertinence. Ouais. Comic Box valait le coup d'exister. C'était ma première société, TSC. Ensuite, on a stoppé le magazine parce qu'on ne pouvait plus tenir. Financièrement, on était exsangue. Ouais. Et à un moment, il a fallu prendre cette décision qui a été douloureuse. Et je préférais en fait arrêter avant qu'on nous force à nous arrêter. Ouais. Je préférais arrêter proprement. Donc, j'avais fait un gros édito dans le numéro 35 en expliquant qu'il valait mieux qu'on s'arrête maintenant. Plutôt que. Mais c'était insoutenable en termes financiers. D'accord. En plus, à cette époque-là, Panini avait eu la mauvaise idée de nous lancer un concurrent entre les pattes qui nous faisait beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'ils ne vendaient pas plus que nous, mais ils parasitaient nos ventes. D'accord. Et surtout, comme je suis parfois un garçon très têtu, comme je l'ai dit, et un peu orgueilleux, je l'admets, ça me joue des tours, hein, quelquefois, j'avais décidé que, bah, puisque c'était comme ça, il fallait que Comic Box soit plus fort, plus beau, plus fun, qu'il ait tout en plus. Donc, on avait développé une politique d'achat de BD, de couverture originale qu'on payait. Donc, on avait augmenté le niveau de Comic Box. Oui. On l'avait porté à un niveau incroyable, avec des couvertures originales d'artistes comme Joe Madureira, comme J. Scott Campbell, comme Mike Turner, etc. C'était pas rien. Et puis ça coûte pas. Et ça coûte pas rien non plus. 20 euros non plus. Quoi. Non, non, il fallait se les payer. Donc voilà, et puis d'achats de BD à l'intérieur du magazine, etc. 5 pages, 10 pages, 20 pages. Et que de l'inédit. Mm-hmm. Donc ça voulait dire se lancer dans des achats de droits, dans des contrats, dans un autre métier qu'on a découvert, c'est la licence. Et tout ça avec une équipe qui était quand même assez réduite, on était 5 ou 6 maximum. Waouh! Ouais. Donc voilà. Donc forcément. Ça a dû te vampiriser l'existence à l'époque. Ah, je le confirme. Je confirme. Je confirme. Et puis on avait lancé un deuxième titre. C'était, ouais. C'était bien. On n'avait pas qu'un seul titre, on avait un deuxième. On avait un titre pour enfants, parce qu'on s'était aussi lancé dans l'enfant. On s'était dit, bah tiens, on sent quelque chose. L'enfance, les titres pour enfants, ça m'intéressait aussi. Donc. Mm-hmm. On avait lancé un magazine pour enfants qui nous vampirisait la trésorerie mais de malade parce qu'il fallait acheter un gadget 6 mois avant. Enfin bon, c'était juste du grand n'importe quoi. Et bon, à un moment, on pouvait plus quoi. On pouvait plus. Donc on a tout arrêté. J'ai tout arrêté et on s'est dit que c'était mieux comme ça. Et t'es arrivé à prendre du plaisir dans l'écriture pendant cette période-là où il y avait tellement de trucs autour que du coup l'écriture ça passait complètement au second plan. Je pense que j'étais un peu on fire, comme on dit. Ouais. J'avais une grande capacité de travail. J'ai toujours, hein. Un peu moins maintenant, mais parce que je me préserve un peu plus. Ouais, je comprends. Ouais. Mais j'avais une grande capacité de travail et donc je passais un nombre d'heures incalculable. Je faisais des interviews, je faisais des articles, je supervisais tout, je faisais la moitié ou les deux tiers de la maquette d'un ou de plusieurs magazines. Sans compter la gestion de la société. Ouais. Donc j'étais le gérant. Donc évidemment, ça fait des journées assez longues. Heureusement que chez nous, tout le monde a toujours été au top. La passion commune de Xavier, de Lise et de moi-même, Comic Box n'aurait jamais survécu. Mmh. Jamais. Et pendant de longs mois, après avoir fini la première année de Comic Box, enfin les 3 années de Comic Box, pardon, on s'appelait tous les jours. Avec Xavier. On avait besoin de se parler, on avait besoin de maintenir le lien, etc. Et ça nous a sauvés, je dirais, d'une certaine manière, professionnellement. D'accord. J'ai jamais cessé de travailler avec Xavier. D'accord. Quand bien même j'ai arrêté de travailler sur Comic Box, je travaille toujours avec Xavier, tout le temps. Dès que j'ai un projet, j'embarque Xavier. Je veux dire, c'est sans doute l'histoire professionnelle, l'histoire d'amitié professionnelle la plus importante de ma vie, Xavier Fournier. C'est un garçon dont je ne chanterai jamais assez les louanges. Voilà. Bon, il est têtu. Encore plus que moi. Ça doit être sympa en conférence de, ça devait être sympa en conférence de rédaction. Non, parce que on s'engueule finalement pas souvent. D'accord. On s'est jamais souvent engueulé. Bon, quand on s'est engueulé, c'était fort. Hein. Ouais. Mais on s'est pas si souvent engueulé que ça. Il me dira peut-être que j'ai une vision romantique, mais non, je sais. J'ai pas souvenir d'engueulade homérique, à part une ou deux, où il m'a pas parlé pendant trois jours. Enfin, bon, c'est voilà. Xavier, enfin. À nous deux, on est capable de faire n'importe quel type de magazine. Tous les sujets. Tout ce qu'il est possible de faire, on est capable de le faire. Et c'est une... Enfin, j'ai une confiance aveugle en lui. Et puis, au détour d'une discussion l'année suivante, en 2002, avec un vieil ami encore, Ferchit Baroucha, qui est un pilier de l'édition de BD en France. Hein. Alors lui, c'est bon, il est à la retraite maintenant, mais Ferchid, c'est un peu notre maître à tous. Il a fait de la bande dessinée américaine quand personne n'en faisait. Donc, Ferchid me dit, écoute, vous m'êtes sympathique, je peux pas vous faire de magazine, mais bon, si vous voulez faire un livre, pas de problème. Donc, avec Xavier, on réfléchit, on se dit, bon, pourquoi pas. Et on est venu avec l'idée du Comic Box annuel. On s'est dit, vaut mieux une fois par an que jamais. Ouais. Donc on a fait trois. On a fait 2002, 2003, 2004. Trois albums cartonnés qui sont plutôt pas mal vendus pour ce que c'était. Hein. C'était coûté quand même 15€. Hein. C'était pas rien. Mm-hmm. Et ça nous a permis d'ouvrir la voie au retour de Comic Box en kiosque il y a pratiquement 10 ans, en 2005, où là, ça a été une autre rencontre. Ça a été la rencontre avec un garçon qui s'appelle Damien Granger, oui, qui est l'ancien rédacteur en chef de Mad Movies. Damien m'a présenté son patron, Gérard Cohen, et Gérard Cohen nous a demandé d'abord de réfléchir pour lui à des hors-séries. Il voulait faire un hors-série de Mad Movies autour des super-héros, autour des comics. Xavier et moi avons dit, ok, si on peut mettre le logo de Comic Box sur la couverture. Et on a fait ce hors-série spécial, Mad Movies spécial comics avec par l'équipe de Comic Box, on a mis sur la couverture. Et ça a été la deuxième meilleure vente de hors-série de Mad Movies de tous les temps, à l'époque. Hein, ça a peut-être été dépassé depuis, mais à l'époque, ça avait été une très grosse vente. Il était ravi, il est revenu nous voir, il a dit, bah, faites-moi un autre. Et là... je me rappellerai toute ma vie, je lui dis non Gérard, il n'en est pas question. Il dit quoi ? Tu veux pas faire un autre en ça ? Je lui dis non. Je veux qu'on lance Comic Box. Et il a réfléchi un peu, il m'a dit banco. Et on est reparti. Sacré coup de poker quand même. Ouais. Sacré non, coup mais de poker. Bien joué. Bien joué. Oui, parce qu'on j'aurais pu ne rien obtenir. Ouais, et puis faire un autre hors-série, puis un autre hors-série après. Exactement. Plus tard, et puis on reste au hors-série. Quoi. Voilà. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, ouais, c'était de ramener Comic Box, parce que c'était notre bébé. Ouais. Donc, on a ramené Comic Box contre toute attente. Et là, boum, nouveau numéro 1, 10 000 exemplaires. Bon, ça veut dire que, entre-temps, la situation était complètement différente sur le marché. Nous, ouais, d'abord, sûr, on est revenu en bimestriel. C'est la formule qui existe encore aujourd'hui, 100 pages bimestrielles, dos carré, un peu luxueux, etc. Le marché était complètement différent. Quand on est revenu en 2005, il s'était passé 3 ans sans Comic Box. Le monde avait changé. Il y avait eu le film Spider-Man, il y avait eu les X-Men. Ouais. Il y avait donc des films de cinéma, il y avait des albums de BD dans les librairies. Et enfin, on n'avait plus honte d'aller acheter son Spider-Man à la Fnac. Ouais. C'était une révolution culturelle. Ouais, et nous, on revient dans cette période-là avec Comic Box, qui est comme toujours un outil de choix, non seulement un news magazine, mais également un outil d'analyse et de choix pour toute personne qui s'intéresse un petit peu au milieu. Et ça a été une grosse surprise. Alors, l'avantage pour nous, c'est qu'on avait énormément appris à changer notre façon d'écrire. C'est-à-dire qu'on était passé de l'écriture du réel, ce que j'appelle l'écriture du réel, c'est-à-dire que quand on est dans un rythme mensuel, on est dans l'information. Comme dans un quotidien, comme dans un hebdo, on est dans l'information. Et avec l'annuel, on était passé dans l'analyse de fond. On était devenu une revue en étant annuel. Et pendant 3 ans, on avait dû discipliner notre écriture pour écrire de manière un peu moins temporelle. Et finalement, c'est ce qui a fait la réussite du volume 2. C'est ce qui a fait le fait que, en arrivant sur un format bimestriel, on trouvait toujours des moyens de nous exprimer de telle manière que nos propos n'étaient pas périmés très rapidement. Donc, et on a développé cette capacité avec Xavier, avec Lise, enfin avec toute l'équipe. Hein. Et je crois que ça a fait la différence. Je crois que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que l'écriture journalistique apporte à ta façon d'écrire de la fiction ? Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux ou après c'est juste une mécanique, c'est juste... Je dois dire que je suis un peu schizophrène parce que d'abord je n'écris pas dans ma langue maternelle quand j'écris de la fiction. T'écris en anglais toujours ? J'écris toujours en anglais. Donc ça crée une distance différente. Quand j'écris un article, je l'écris toujours avec cette volonté d'apporter le plus d'infos, d'apporter une analyse fine dans la mesure du possible du sujet que je traite, alors que dans la fiction, je suis plus détaché. Mais d'un autre côté, je suis plus détaché parce que je travaille dans une langue étrangère. Mais en même temps, je parle plus de moi. Ouais, c'est des sujets plus personnels. Et quand ils ne le sont pas, ils le deviennent. Parce que c'est une formidable thérapie, tout le monde le sait, l'écriture. Et je me surprends parfois à écrire des scènes qui remontent de très loin, qui font appel à des références, etc. Et c'est absolument génial. C'est pas du tout le même plaisir. J'adore écrire des articles, même si pendant un moment, ça m'a vraiment saoulé. Et c'est pour ça que la maquette, ça a toujours été une très bonne récréation pour moi. Oui, ça ne fait pas travailler le même muscle. Exactement. Ouais. Et parfois, quand j'avais des blocages d'écriture, je maquettais un magazine, je faisais une créa, j'étais tranquille. C'est comme des vacances pour moi. Ouais. Et après, le même problème se pose dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je fais trop de magazines en maquette, quand je fais trop de création artistique, j'y ressens le besoin d'écrire parce que je m'appauvris graphiquement. Toujours la même chose. Quand je vois que je recommence à réutiliser les mêmes routines alors que les magazines sont différents, ça veut dire qu'il est temps que j'arrête. Ouais. Pendant un moment, que je mette mon esprit créatif au vert et que je me réoriente vers l'écriture. C'est l'avantage de pouvoir faire plusieurs choses. C'est une petite aparté sur Atlantique BD ? Oui, si tu veux. Quand Moïse Kissous est venu me voir avec le projet de monter un label de BD américaine, on a fait un voyage à San Diego ensemble. Oui. Je l'ai emmené. En fait, on s'était rencontrés un peu avant. Et il m'a dit, écoute, moi, je connais rien à la BD américaine. Est-ce que tu voudrais pas... Ça m'intéresse. Est-ce que tu voudrais pas me servir de consultant ? Moïse Kissous, c'est le PDG de Jungle. Grosse boîte d'édition. Voilà. Et bon, on s'est très bien entendu tout de suite. Donc, je lui ai fait un rapport sur... Je lui ai pondu un rapport sur qu'est-ce que la BD américaine, en quoi les structures de la BD américaine sont différentes de la structure française, quels sont les enjeux, etc. Un vrai truc, un rapport de 15-25 pages, je ne sais plus, enfin, c'est un gros truc. Et il m'a dit, écoute, ça m'a convaincu, partons ensemble à San Diego, je veux voir de mes yeux. Ouais. Nous sommes partis, il a vu. C'est le bon endroit en plus. Bien sûr, c'est le bon endroit, absolument. Nous sommes partis, il a vu, et en rentrant... Quelques semaines après, il m'appelle, écoute, je voudrais créer un label de BD américaine. Il me dit, et je lui dis, tu es sérieux ? Il me dit, fais-moi ta proposition. Et on est parti d'une feuille blanche. Et j'ai fait des propositions. Il y avait à la fois de la création et de l'adaptation et de la licence. Avec toutes les contraintes et les challenges que c'était, c'est-à-dire obtenir des séries valables alors que les autres éditeurs plus installés, plus puissants avaient déjà la main mise sur des catalogues existants. Et on est parti, bille en tête, la fleur au fusil, etc. Et il y a eu beaucoup d'éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu pénible. Mais au cours des 2 ans, que j'ai passé avec Atlantique BD, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Ouais. J'ai sans doute commis des erreurs, bien sûr, ça, qui n'en commet pas. Mais je pense surtout que je vais essayer de dire ça de la manière la plus diplomate possible. Je pense surtout que j'ai constaté à quel point le marché de la BD, le marché du livre en général en France, ouais, était dans un sale état. Était gouverné par de très vieilles habitudes, ouais, qui sont d'un autre âge, qui ne correspondent pas aux réalités de ce que les gens veulent. Et mon analyse est très dure, elle est sans concession sur les acteurs de ce marché, sur le marché français de la BD. Jusqu'alors, mon expérience dans la BD française était limitée à avoir été directeur de collection un an chez Albin Michel et 2 ans chez Soleil. Donc, je n'avais vu que le côté créatif, éditorial. Mais là, pour la première fois, j'étais en prise avec tous les aspects. C'est-à-dire que la distribution, la diffusion, la mise en place, le marketing, évidemment l'éditorial. J'étais au cœur de tout, avec Moïse, bien sûr. Et bon, il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas les miens. Ouais. C'est normal, hein, c'était pas ma société, hein, c'était celle de Moïse, hein, j'avais aucune part dedans, etc. Je les ai assumés, donc... qu'ils fussent bons ou mauvais, de toute façon, voilà, j'ai montré ma tête et que j'ai été d'accord ou pas, j'ai assumé les choix. Ouais. Je vais même dire, c'est même plus triste que ça. S'il fallait refaire les choses, je ne sais pas si on aurait pu les faire différemment. D'accord. Tu saurais même pas dire. Bien sûr, il y a eu des choses qui se sont passées dans le choix du distributeur, par exemple. Ouais. Mais nous n'avions que peu de choix. Ouais. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à, il y avait un distributeur en particulier que je ne nommerai pas, chez qui on voulait aller, et qui a refusé de nous prendre, alors que ça aurait été parfaitement logique. Et donc le distributeur, en fait, a entraîné de mauvais choix, a entraîné de mauvaises trucs. Et j'en ai nourri, après cette période, non seulement une grande méfiance du milieu de la distribution française de BD, mais de la distribution en général. Et d'accord, j'ai compris que le mal absolu en France, c'était les réseaux de distribution, c'était les structures de distribution. Ouais. C'est ce qui, aujourd'hui, est le verrou principal et qui étouffe la création. C'est une parenthèse désenchantée un petit peu pour toi, Atlantique BD. Non, c'était important parce que ça m'a, ouais, ouvert les yeux. Et ça m'a surtout conforté dans l'idée qu'en tant que créateur, je ne pouvais pas trouver ma place sur le marché français. Ouais. C'est cruel, c'est terrible. Pour moi, en tant que citoyen français, c'est un désaveu, c'est une claque. Ouais. Mais la réalité... c'est que, attaché comme je suis à la liberté créative et à l'indépendance des auteurs, il n'y a pas d'espace pour nous sur le marché français. Le modèle américain du creator-owned, c'est-à-dire où un projet BD appartient à 100% à ses auteurs, n'existe pratiquement pas ici. Et même s'il existe, il est confidentiel. Et crois-moi que les éditeurs de moyenne et de grande taille ont tout intérêt à ce qu'ils restent sous le tapis. Et je les comprends. Ce n'est pas leur intérêt d'avoir des créations aux mains des créateurs. Ce n'est pas du tout leur intérêt. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le modèle proposé par les éditeurs français est un modèle en faillite. Il n'est ni rémunérateur pour eux, ni rémunérateur pour les créateurs. Pourquoi le conserve-t-on ? Quand on a commencé à travailler avec Moïse, il y avait cet espoir de faire de la création. Et en fait, le seul album créé a été le mien. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, comme c'est un nouveau label, il faut montrer patte blanche, je vais m'appliquer cette discipline à moi-même, et donc j'ai proposé d'être le cobaye. Donc de sortir le premier album, Black Box, de le sortir avec mon nom dessus, voilà. Bon, ça me paraissait une bonne idée. À l'époque, Moïse était d'accord, on avait conçu trois types de contrats. Un contrat à la française, où les droits sont répartis entre l'éditeur et les créateurs. Un contrat à l'américaine, où 100% des droits sont aux créateurs. Et un contrat type Marvel, Work for Hire, où tout appartient à la société d'édition. On n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter ces contrats. Pour la simple et bonne raison que Black Box a été le seul et unique album original produit par Atlantic BD. Parce que les choix de distribution que nous ont fait faire le distributeur, les choix de tirage que nous ont fait faire le distributeur, n'étaient pas les bons. En plus, et ça rejoint ma croisade personnelle contre le réseau de distribution, je trouve qu'en France, la BD bénéficie d'un curieux statut. Très curieux. La BD est quand même le seul endroit en France où on classe les choses par origine géographique. Géographique, pardon. C'est quand même incroyable. Vous allez acheter un livre. Vous n'avez pas, une section livre français, livre américain, livre japonais, livre espagnol. Non. Roman, fiction, science-fiction, voilà, policier. Roman, policier, ou par auteur, ou par ordre alphabétique. Tout ça sont des classifications que tout le monde peut comprendre. Bon, en musique, c'est pareil. Par ordre alphabétique, par genre, voilà, tout le monde peut comprendre. Mais en BD, va-t-on comprendre ? C'est différent. En BD, il y a BD. La BD belge, traditionnelle. Voilà, la BD, il y a comics, un mot que j'emploie avec gros guillemets, n'est-ce pas ? Puisque c'est un peu la foire fouille, c'est un rayon où on met tout et n'importe quoi. Il y a manga, où on nous explique que la BD japonaise étant plus petite, il faut la mettre à part. C'est comme ça. Et là, je me dis, c'est quand même étrange. La BD, ça fait partie du livre. Les mêmes règles devraient s'attribuer, devraient s'appliquer à nous. C'est pas le cas. Et quand on pose ça, j'ai fait le tour des réseaux de distribution quand j'étais dans le projet Atlantic BD. Mais j'ai été terrifié par les réponses de certains libraires. Terrifié. Du genre. Ce serait trop long d'en parler ici. Allez, un exemple. Non, je crois que le meilleur que j'ai eu, c'est un libraire qui a disparu depuis, c'est dire. Où je lui ai expliqué, je lui ai demandé pourquoi les albums Atlantic BD n'étaient pas, étaient pas classés avec la BD. Voilà. Et on me disait, non, c'est pas possible. Ils n'ont pas le bon format. Je disais, mais je ne comprends pas. Là, il y a les bouquins de chez Ankama, ils sont plus petits que les nôtres. Ils ont le bon format, eux ? Ils sont avec ah oui, mais eux, ils ont un format atypique, on ne sait pas où les mettre. Alors, on les met devant. Je dis, mais bon, et les bouquins qu'on a sortis le mois dernier, vous les avez mis où, etc. Ah, je les ai mis tout en haut, là, dans la deuxième étagère. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les bouquins, c'est comme dans le foot. Si vous ne vendez pas, vous êtes en deuxième division. Et là, je dis à ce libraire, mais vous vous rendez compte que moins ils sont accessibles et moins vous les vendez. On les rend, c'est pas grave. Et voilà, le retour. Le retour est un bienfait et une tradition du marché français. Mais ça peut être aussi, il y a des effets pervers à ça. Ouais. Donc, on arrive dans une situation où c'est pas grave si on n'arrive pas à les vendre. On les renvoie. On les renvoie. Et qui paye l'addition ? Les auteurs. Je suis pas en train de divorcer de la BD française. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que mon téléphone ne sonne pas de toute façon pour me proposer des sujets. Donc le problème est réglé. Y a un moment où il faut accepter. Soit vous êtes à la mode, ou vous êtes dans la vibe, comme on dit. Et effectivement, on vous appelle et le succès appelle le succès. Soit vous devez vous débrouiller tout seul et vous faites votre vie. Voilà. Moi, je fais ma vie. Je me débrouille tout seul. Je mène ma petite barque avec mes petits projets. M'achète qui m'achète. Voilà. Ouais. Et j'ai choisi de privilégier le marché américain parce que, après 18 ans à ce qu'on me traite d'américain, je pense que maintenant, le temps est venu pour que je l'assume. Donc voilà. Et quand je suis parti faire One Hit Wonder chez Image Comics, ça a été ça. Et aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt, vu les rapports dont je jouis avec cet éditeur-là, Image Comics aux États-Unis, je ne vois pas l'intérêt de passer par un éditeur français, outre qu'en licence. C'est-à-dire, une fois que ma BD a été publiée aux États-Unis, elle peut très bien être reprise par un éditeur français. C'est avec plaisir que j'en céderai les droits pour le territoire français. Mais, et entre guillemets, ma solution arrange tout le monde. Pourquoi ? Parce que je finance moi-même. Ça me coûte, hein. Je finance moi-même mes créations, mais elles sont intégralement ce que je souhaite. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, je les assume. Mmh. Et les éditeurs français, eux, ont un bénéfice évident. Ils n'ont pas de coût de développement à assurer. Et ils prennent un produit fini, effectivement, sur lequel ils ne vont pas pouvoir, entre guillemets, poser leurs pattes. Mais d'un autre côté, c'est pas souvent que, surtout ces derniers temps, que la plus-value d'un éditeur français a donné des résultats commerciaux valables. Hein. Donc voilà, moi je prends mes risques tout seul, je fais mes séries, je me débrouille. S'ils veulent les reprendre, ils sont les bienvenus, ils ont mon numéro. Voilà, il y a mon numéro de téléphone et mon email sur mon blog. Je suis super facile à joindre. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut lire mes BD, qui trouve que ce que je fais est bien et qui est intéressant, be my guest. Alors on va finir sur ces mots-là. Je vais demander. Est-ce qu'il y a des choses que tu as lues ou vues à la télé ces derniers temps, ou vues au cinéma, qui t'ont inspiré, qui te donnent envie d'écrire, qui t'ont vraiment emballé ou... Qui me donne envie d'écrire ? Ouais. Tout me donne envie d'écrire. Je dirais que ce qui me donne le plus envie d'écrire, paradoxalement, c'est ce qui n'est pas de la fiction. D'accord. J'ai arrêté de lire des livres. Je peux pas. Et c'est honteux ce que je vais dire, mais j'ai presque arrêté de lire des comics aussi. D'accord. Je ne peux pas. J'ai la tentation de me dire, est-ce que ça va m'influencer ? D'accord. T'as peur de copier inconsciemment ou... Exactement. Je ne veux pas un jour être accusé de plagiat. Jamais. Ce serait horrible, un terrible désaveu. Alors je lis des choses qui ne sont pas de la fiction. D'accord. Je regarde beaucoup de documentaires. Je m'informe énormément. Je suis un drogué d'infos. J'aime beaucoup les biographies. Voilà. Et j'ai retrouvé du goût pour l'histoire. D'accord, c'est marrant ça. C'est là qu'on se rend compte que rien n'est vain. Et tu l'as pas fait pour rien à l'époque. Il y avait quelque chose. Et il y a une espèce de fil rouge dans ma carrière de scénariste, c'est qu'il y a toujours un fond historique. Ouais. Toujours. Dans tout ce que j'écris. Et c'est pas un hasard si Spider-Man Noir se passe dans les années 30. Bien sûr. C'est pas un hasard si Black Box fait appel à des fondements historiques. C'est pas un hasard si dans One Hit Wonder, c'est les années 80, parce que c'est mon enfance, mon adolescence plutôt. C'est pas un hasard si Harem, c'est pareil, c'est des connaissances historiques sur le Moyen-Orient et le monde arabe. Tout ça est pareil. Je suis en train d'écrire un projet qui s'appelle Nos Futurs, et qui précisément imagine un monde sans histoire. Ouais. C'est le fil continu, c'est le fil rouge de ta carrière. Le fil rouge de ma carrière, c'est finalement ce choix de l'histoire. Et je vais même dire encore pire, c'est bien malgré moi, mon fils a 17 ans. Ouais. Aujourd'hui, la matière qu'il préfère, c'est l'histoire. Et ce qu'il veut étudier, c'est l'histoire. Je ne l'ai pas forcé. Je ne l'ai pas forcé. Mais... Ça a dû transpirer dans les conversations. J'imagine, j'en sais rien, mais il est sincèrement... Voilà, on dit que les chiens ne font pas des chats, et ben c'est la preuve. On est entre nous, j'ai vu passer sur Twitter que tu aimais beaucoup Empire. J'adore. Deux épisodes et je suis conquis. Alors non, le pilote, j'avoue que j'ai failli m'endormir. D'accord. J'ai failli m'endormir sur le pilote, mais le deuxième, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu encore. Mais alors le deuxième est un bijou d'écriture. C'est-à-dire, les dialogues sont extraordinaires. Je pense que c'est un peu Dallas sous acide dans le hip-hop. C'est juste hallucinant. Voilà. C'est hallucinant, c'est un peu pareil. C'est bien. La télé américaine continue de me surprendre. Je suis fasciné par les writer's room, par le talent de ces gens. Il se trouve que ma fille qui a 13 ans découvre, elle, Lost pour la première fois. Ouais. Donc elle vient de se taper les 6 saisons de Lost. Et donc j'en ai regardé une partie avec elle. J'ai re-regardé avec elle. Mais quelle écriture ! Quelle écriture ! Je veux dire, Je suis admiratif, moi, des scénaristes de séries américaines. C'est peut-être une expérience que je voudrais faire en tant qu'observateur. Je suis pas sûr d'avoir la capacité à tenir la dragée haute à ces gens-là dans les writers' rooms. Je serais sans doute très intimidé. Et pourtant, ça reste un travail collectif, donc ça peut être quelque chose justement qui te... Bien sûr, mais qui dit collectif dit que si on n'apporte rien, on est dehors. Oui. Donc, un strapontin m'irait très bien. Et clairement, mais c'est pas la première fois, hein. Mon frère qui est dans la télé, dans le cinéma, etc., me dit souvent, tu devrais écrire des séries télé ou du cinéma. T'as un sens du dialogue, tu devrais le faire, quoi. C'est vrai que le dialogue, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'adore les dialogues. D'accord. J'adore les dialogues. Je suis plus intéressé par les dialogues que par le plot. D'accord. Et pourtant, chez moi, tout commence par un concept. Généralement, c'est ce que j'aime écrire. Je pars d'une idée et ensuite je brode. On dit souvent que tous les scénaristes ont leur propre manière d'appréhender le scénario. J'ai vu un documentaire sur les femmes scénaristes de BD. Ouais. Il n'y a pas très longtemps. Et où elle disait, quand on écrit un scénario de comics, on a l'idée de la première page et l'idée de la dernière page. Et tout le reste est un gros puzzle qu'il faut mettre en place. Et ben moi, je ne fais pas comme ça. Moi, généralement, j'ai l'idée des 10, 20, 30 premières pages. Et j'ai une vague idée d'où ça va se terminer. D'accord. Et le puzzle, c'est de trouver la fin. Donc c'est plus un labyrinthe qu'un puzzle chez moi. Et c'est tes personnages qui t'y emmènent ou C'est mes personnages qui m'y emmènent. D'accord. Je vais dire un truc que je devrais pas dire. C'est pas politiquement correct. Dans One Hit Wonder, quand j'ai écrit le premier numéro, j'écris les 22 premières planches d'un trait. Ouais. D'un trait. 8 heures d'avion. Je revenais de San Diego, je crois. C'est ça, ouais. J'écris les 22 premières planches d'un trait. Et puis, blocage, je ne savais pas comment avancer. Et puis j'ai retravaillé mes personnages, et là, il m'est apparu un truc. Et j'ai compris exactement ce qui allait se passer. Donc, le premier dessinateur, Ariel Olivetti, avait fait une scène dans le premier, avait enrichi une scène que j'avais écrite. De là est partie toute l'intrigue. Ben merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir.